Bonjour les enfants, c'est encore nous, vos deux clowns imposés, Anus et Précoce. Et aujourd'hui, on va faire du jardinage équitable, attention! Jardin, il n'y a pas de roi, car toutes les graines ont les mêmes droits. Prends bien soin des fruits, le jour comme la nuit. On ne crache pas sur les navets. Pour arroser, on est toujours prêt. Semences égalité.